Je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi mon esprit amer, d'une aile inquiète et folle, vole sur la mer. Tout ce qui m'est cher, d'une aile d'effroi, mon amour, le couvre à des flots. Pourquoi? Pourquoi? Mouette à l'essor mélancolique, elle suit la vague, ma pensée, à tous les vents du ciel balancée, et, biaisant, quand la marée oblique, mouette à l'essor mélancolique. Ivre de soleil et de liberté, un instinct la guide à travers cette immensité. La brise d'été sur le flot vermeil, doucement, la porte en un tiède demi-sommeil. Parfois, si tristement elle crie, quelle alarme au lointain le pilote. Puis, au gré du vent, se livre et flotte et plonge, et l'aile toute meurtrie revole, et puis, si tristement, crie. Je ne sais pourquoi, mon esprit amer, d'une aile inquiète et folle, vole sur la mer. Tout ce qui m'est cher, d'une aile d'effroi, mon amour, le couvre à des flots. Pourquoi? Pourquoi?